Et toi, mon hypocrite, crie-moi pas de même, tu sais que t'as pas de mérite. C'est mon homme, moins dans la vie, tout le monde le sait que tu vas vite tomber dans l'oubli. Ah! Dans le bénéfice, en ton malice, te regarder détruire, c'est un vrai délice. Dans quel monde on vit, je crois que t'as pas très compris. Aujourd'hui c'est notre vengeance. Laisse-moi faire les négligences, je crois que t'as pas bien d'intelligence. Allons ta malveillance, je crois que t'as pas bien d'exigence pour ton insignifiance. Je trouve ça bien marrant, te voir inconscient. Tu vas venir nous voir un jour en nous suppliant. Yeah, aujourd'hui le monde n'est plus pareil. Faut faire attention, ils sont tous rendus cons, mais je vous dis bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye. Pas un taxi, je fais de la démocratie, je suis pas non plus un bouche-trou. Là dans c'est vous les fous, ça me parle des choses irréelles, rien que pour avoir de l'attention, ça me parle des choses faites, mais dans le fond c'est vous les fakes. Je parle à tous ceux qui sont méchants, des petits crapules des fainéants qui lâchent pas le morceau, rien que pour prouver que c'est eux les mieux là-dedans. Mais dans le fond, c'est vous le problème là-dedans. Vous me reverrez plus si tôt maintenant. Dire que je faisais des sacrifices pour le monde, m'attends une seconde, je me suis trompé, mais pour vous je me suis détruit. Dire qu'aujourd'hui le monde est fake, fake. Dire que pour vous je peux être aussi fake. C'est un jeu qui joue à deux. Depuis je vous ai oublié, sans vous ma vie va beaucoup mieux. Puis le monde dit des choses derrière leurs écrans. Vous devrez comprendre, vous êtes rentré dans le monde atroce. Dire que moi je suis plus mûr que vous, mais regardez-vous. Je me rends de plus en plus compte que vous faites dur en tabarnak quand je vous regarde en face. Ce que je me dis c'est hier, j'en ai la fin qui s'en vient. Ça va vraiment pas bien. Yeah, ça va vraiment pas bien. Puis maintenant tous ceux qui sont là dans ma vie sont les real. Yeah. Ben oui, vous êtes des astis d'hypocrites, man, des astis d'hypocrites. Pis on n'a pas encore fini, man. Yo! Yo, ça va? Ben, j'suis au studio, là, j'ai pas le temps pour toi et mon astis d'hypocrite. Dis que tous ceux qui sont chers virent, hein? Hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite, fake, fake, wouh! Hypocrite, hypocrite, hypocrite, fake, fake, hypocrite, wouh! Dis vous êtes des hypocrites, yeah!